Voici le rêve de Guillermo Guise. Bonjour. Bonjour les amis. Salut. Alors si je vous dis Paraskevi Decatriaphobie, vous me dites, ah c'est marrant, encore un AVC dans l'émission. Après la syphilis de Nagui et l'addiction au Clanky Balls de Tom Villa, ça tourne à la malédiction. Heureusement que Marina Rollman est saine parce qu'elle se nourrit exclusivement de plancton et que Leïla a enfin réglé son problème avec l'alcool. Après que l'alcool a déclaré dans les journaux, c'est bon, elle est trop forte pour moi, je retourne vivre en Europe de l'Est. Non, l'appareil Decatriaphobie, c'est juste c'est quoi compliqué à prononcer avec une bouche à cause de la configuration classique gencive dans langue, etc. Pour une fois, ça n'a rien à voir donc avec ma légendaire éloquence de bègue joyeux. Et là, vous allez me dire, très bien, Ernesto, limite, on veut bien faire semblant de s'intéresser à ta life pendant encore quoi. Allez, on est quand même là, de toute façon, on est payé au jeton de présence. Mais néanmoins, est-ce que tu ne rentrerais pas enfin dans le cœur de ton billet pour nous révéler ce que tu entends par Paraskevi Decatria? S'il te plaît. Ah, merci, oui. Nagui, comme quoi c'est pas une bête MST qui va vous détourner de votre sens du service public. Et c'est simple. En fait, comme son étymologie l'indique, la Paraskevi Decatriaphobie vient du grec phobie, qui veut dire phobie. La peur, c'est un mot qui n'a pas eu le temps d'être traduit quand il est arrivé de Grèce, en fait. C'était avant le marché commun, à l'époque il y avait des tas de démarches administratives. Quand tu débarquais en France, il fallait trouver un taf et t'as trouvé un appartement, vacciner son chien. Du coup, Phobie s'est dit, il faut absolument que j'aille me faire traduire, puis vous savez ce que c'est. Après, les voisins ont commencé à l'appeler Phobie, c'est resté. Donc étymologiquement, Paraskevidea Criaphobie vient du grec donc phobie et du français de banlieue, Paraskevidea Criaphobie. J'ai rien compris. C'est donc la phobie du vendredi 13. Ah, voilà, et je me permets d'en parler parce qu'on est vendredi 13, même s'il règne dans ce studio une atmosphère très jeudi 12. Les auditeurs ne le sentent pas, ça c'est la magie des ondes hertziennes, mais croyez-moi sur parole, tu verrais la tête des gens, tu dis, ils sont tellement sur un concept de jeudi 12. Et c'est normal, qui a envie d'être un vendredi 13? Rappelons que c'est un vendredi 13 que le chanteur Grégoire s'est dit, je m'en fous, je vis mon rêve à fond. Depuis, c'est devenu une superstition tellement commune qu'on en a même fait un film d'horreur, le vendredi 13, dont les suites samedi 14, dimanche 15 et surtout le très poussif lundi 16 ont déçu. La phobie du vendredi 13 est donc très répandue dans le monde, ce qui rend d'autant plus étonnant qu'on l'ait désigné par le terme imprononçable Paraskevidecatriaphobie. En comparaison, la géniophobie, qui est la phobie des mentons, est quand même plus abordable comme terme, alors qu'on est sur une phobie de niche. Moi, je ne suis pas sociologue, mais je connais moins de gens qui disent « Ah non, un menton, que faire ?» à part dans l'entourage de la famille Bogdanov, naturellement. Et je ne stigmatise personne, il faut tout pour faire un asile. Je dis juste qu'à activité rare, le français applique en général un mot compliqué. Regardez la nanopabulophobie. C'est compliqué, c'est la peur des nains de jardin à brouettes. Là, je dis, il y a cohérence dans la langue. L'Académie française s'est mise d'accord avec l'Ordre des médecins. Ils se sont dit, bon, on va peut-être pas trouver un mot juste pour ça. Si quelqu'un a vraiment peur des nains de jardin à brouettes, il a qu'à faire l'effort de dire, j'ai peur des nains de jardin à brouettes. C'est vrai. Et là, il y a Alain Finkielkraut qui est intervenu, qui a dit, oui, mais ceci dit, moi, en 16 lettres, j'avais nanopabulophobie, qui vient notamment du grec phobie, qui veut dire phobie. Et donc là, vous allez me dire, j'espère que tu n'as pas passé 3 minutes à nous raconter que ça. Je veux bien que c'est le midi 20 et que c'est le créneau de Daniel Morin. Et contractuellement, tu es obligé de raconter de la merde. Mais là, quand même, tu nous as chié dans la choucroute. Eh bien, désolé, je vous laisse parce qu'il faut que je trouve un terme pour ma phobie des choucroutes. Allez, merci, bravo. France Inter, la bande originale avec Nagui.